Le projectile venait d'échapper à un danger terrible, danger bien imprévu. Il était alors 3h30 du soir. Le boulet suivait sa direction curviligne autour de la Lune. À 6h du soir, le projectile passait au pôle sud, à moins de 60 km, distance égale à celle dont il s'est approché du pôle nord. Le projectile s'avançait toujours et ce chaos ne se modifiait pas. Les cirques, les cratères et les montagnes éboulées se succédaient incessamment. Enfin, au centre de cette région crevassée, à son point culminant, la plus splendide montagne du disque lunaire, l'éblouissante Tycho, auquel la postérité conservera toujours le nom de l'illustre astronome du Danemark. Tycho forme une telle concentration lumineuse que les habitants de la Terre peuvent l'apercevoir sans lunettes, quoi qu'ils en soient, à une distance de 100 000 lieues. Tycho appartient au système de montagnes rayonnantes, comme Copernic. Mais de toutes, la plus complète, la plus accentuée, elle témoigne irrécusablement de cette effroyable action volcanique à laquelle est due la formation de la Lune.